Passer du temps, passer se dit passar avec un seul S. Alors, nous avons passé beaucoup de temps pour faire cette traduction, se dira hemos pasado. Bien, hemos pasado beaucoup de temps. Mucho de tiempo. Mucho veut dire beaucoup de. Ça veut déjà dire beaucoup de. Mm-hmm. Donc, beaucoup de temps se dit mucho tiempo. Sans le D. Mucho tiempo. Mucho tiempo. D'accord. Hemos pasado mucho tiempo pour faire cette traduction. Para hacer esta traducción. C'est ça. Hemos pasado mucho tiempo para hacer esta traducción. Alors, nous n'avons pas passé beaucoup de temps avec elle. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps avec elle. Ça sera... No hemos pasado. Bien, no hemos pasado beaucoup de temps. Mucho tiempo. Oui, mucho tiempo. Avec elle. Con ella. D'accord. No hemos pasado mucho tiempo con ella. Alors, comment direz-vous combien de temps as-tu passé avec elle? ¿Cuánto tiempo has pasado con ella? C'est ça. ¿Cuánto tiempo has pasado con ella? Combien de temps as-tu passé avec elle?